soyez-en certaine. Si vous vous en donnez la peine, je ferai de vous une reine. À mesure que la journée avance, j'ai pour vous de l'attirance. Mesurez-vous bien l'importance que j'accorde à votre présence. De la première jusqu'à la dernière manche, je donne tout, je m'en dimanche. Je mets mon uniforme de parade pour vous qui êtes mon Olympia. Bienvenue dans mon intérieur, j'ai tout rangé, n'ayez pas peur. Pour que vous arriviez à bon port, j'ai consenti de gros efforts. Ne déclenchez pas votre balise, détendez-vous à votre guise. Vous suscitez tant de convoitises que se redresse la tour de Pise. De la première jusqu'à la dernière manche, je donne tout, je m'en dimanche. Je mets mon uniforme de parade pour vous qui êtes mon Olympia. Mon